Le nouveau monde, la forêt. Radis, Radis, tu veux qu'on me retourne là-bas? Si, Manfred. C'est peut-être l'endroit le plus sûr pour nous. Quoi? Mais, Radis, sauf erreur de ma part, c'est quand même l'endroit qu'on a fui. L'endroit où... Hé, je te vénère, t'es trop tip-top comme chef, mais quand même, y'a tant de souffrance là-bas. La souffrance? Tu ne sais même pas quel est ce mot, Manfred. Tu ne connais encore rien de la souffrance. Allez, continuez à avancer, les rats. Attention! Un hibou! C'est un hibou! Tous sur le hibou! Rotis! Rotis, on a chopé le hibou! Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Ne me prends pas dessus, j'ai les plus fragiles! Alors, hibou, tu comptais te faire un rat parmi les milliers ici présents? Désolé, j'avais une grosse fringale, et alors, tu peux bien me donner un des tiens, non? Rotis? Alors, Pierre-Jean Grégoire, on se souvient plus des vieux ennemis? Je peux y aller? J'ai rendez-vous chez mon ostéo, j'ai une aile qui est un froid, ça fait un peu mal. Descends de moi, je t'en prie, idiot, tiens de me lâcher les ailes, j'ai pas l'habitude d'être comme ça. Pierre-Jean Grégoire! Hé les mecs, c'est Pierre-Jean Grégoire! Peut-être qu'il y a des cousins ou des frères à bout dans son ventre! Non, je vous jure, depuis le temps que vous êtes parti du labo, j'ai digéré ce que j'avais mangé. Le labo... On a à discuter tous les deux. Balder, Kag, Fenchy... Oui, Radis! Vous allez être des héros pour nous. Pierre-Jean Grégoire, tu peux manger ces trois-là à une seule condition. Tu es désormais... à moi. Nous y voilà, la frontière des Halles. Berthold nous avait accompagnés. Nous avions marché une bonne partie de l'après-midi dans la forêt jusqu'à la frontière. Il n'y avait rien de particulier ici. Et c'est juste la forêt, comme d'habitude. Mais pour Berthold, c'était quand même la frontière des Halles. La nuit était tombée. Tu nous laisses là, alors? Oui, je suis obligé, le conseil a tranché. Le conseil a tranché. Eh ben, excuse-moi, Berthold, mais ton conseil, il tranche vraiment à vif, parce que là, moi, j'ai l'impression de douiller sec. Je suis désolé. Ce sont nos lois. Vos lois. Elles sont belles, vos lois. On est jugé pour des choses qu'on n'a pas réellement faites, et puis, merde, ça sert à rien de discuter avec toi, Berthold. Bon, eh bien... J'ai tendu la main vers Berthold. Il a hésité un bref instant, puis a levé une de ses pattes vers moi. Je crois que c'est ici qu'on doit se dire adieu. Oui. Oui, et sans rancune aussi. Mila... Quoi? Oh, bon, d'accord. Merci, Berthold. Grâce à toi, on sait un peu plus de choses, ouais. Bon, c'est pas le tout, mais là, le temps passe vite. Allez, allons mourir tranquille dans un lieu qu'on connaît pas beaucoup. Mila? C'est toi qui as fait ce bruit? Quel bruit? Grimpez sur mon dos, vite! Berthold a sauté sur un tronc d'arbre, ses pattes frappant en mesure, avançant rapidement sur le bois sec. Il a tourné sur une branche et s'est arrêté. Nous sommes descendus de son dos, le regard rivé vers le bas. Non! Des rats, quatre rats avançaient parmi les fougères, scrutant les environs, emmenés par leur curiosité. Quatre rats aux gueules grimaçantes. Quatre rats. Ils sont peut-être partis loin des halls, c'est ça? Berthold avait lancé un regard noir à Mila. Elle ne dit mot, les yeux rivés sur les rats. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher? Nous. Oh, ça fait du bien par où ça passe. Merci, Ratis. Tes compagnons étaient un peu négligents, mais à trois, ça passe bien. De rien. C'est juste un prêté pour un rendu. Souviens-toi que tu me dois quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois. De haut. Et ça n'est guère négligeable, mon vieux Pierre-Jean Grégoire. Surtout quand on recherche trois Bifwish. Ils peuvent pas nous trouver là où on est. Hein. On est bien cachés sur une branche, ils peuvent pas monter aux arbres. Les rats normaux, non, peut-être. Mais eux... Wow ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Bender ! Bender venait de se poser juste derrière nous. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si en vous retournant, vous vous trouviez nez à nez avec une chauve-souris ? Peut-être comme Mila. Elle a glissé, pour tomber. Mila ! Tomber vers les rats, qui, à son cri, enlevaient la tête vers nous. Bah, fouille.